C'est un peu la fiancée des Français. Et les chevaliers, merci quand même pour toutes ces informations. Mais de rien. Écoutez, à demain. À demain, on vous embrasse. Et voici comment nous avons préparé, Alex Vizorek tout excité, fou, cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Mais qu'est-ce qu'il écoute sous son casque, Alex? Depuis ce matin, il bosse sur le disque de l'invité. Oh, on reçoit quand même pas Michel Thor. Non, mais on reçoit une autre de ses idoles. Mais qui ça? Hélène. Hélène de Hélène et les garçons. Ah oui, super. Bah, il faut bien lui faire plaisir de temps en temps. Hein. Et c'est bien normal, parce que quand on reçoit un beau sociologue de 35 ans, on voit bien qui c'est. Ah, parce que Hélène et toi, Mais non, mais je suis comme un fou. On a grandi ensemble, c'est une copine. Tu la connais? Ah, mais bien sûr. Je passais plus de temps avec elle qu'avec ma mère. Ah, mais oui, on allait boire des diabolomantes, on faisait de la musique. T'es une bande de potes, quoi. Ah, bah c'est bien, ça va la mettre à l'aise. Bon, les filles, venez par ici, là. Ouais. Je crois qu'Alex fait un gros transfert de sa jeunesse, là. Il dit qu'il la connaît hyper bien. Oui, enfin, il dit... Alex! Alex, enlève ton casque, enfin! Ouais, est-ce qu'elle est au courant, Hélène, que vous vous connaissez si bien? Si elle est au courant, mais t'as qu'à demander à sa sœur Justine ou à sa pote Johanna. C'est ça, non, mais c'est bien ce que je pensais. Hein, c'est ça. Bon, et Nicolas, il en pense quoi? Tu connais Nicolas? Hein? Bah ouais, je l'ai rencontré via José. Moi, ouais, eh ben Nicolas, c'est un con. Ça, je te le dis. Avec lui, ça s'est jamais bien passé. Non, mais j'imagine une petite guerre de coq. Mais pas du tout, mais c'était pas un mec pour elle. Mais dis donc, ça va lui faire vachement plaisir de te revoir. Ça, je peux dire, ça va lui faire un choc. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Il va me sauter dessus. Ah bah oui, ça va lui faire un choc. Ah bah ouais, c'est peut-être fini avec Nicolas en plus. Dis, tu peux vous dire un truc à tous, moi? Bah moi, j'ai eu une relation avec Cricri d'amour. Non, n'importe quoi. Cricri d'amour, c'est un personnage. Si c'était pas Cricri, c'était lequel alors? Bonjour la France Inter et les garçons, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission où il est interdit d'interdire l'actualité. Et voici les trois informations qui vont se manifester jusqu'à 18h. Il a fallu attendre plusieurs milliers d'années pour que Rome soit dirigée par une femme. C'est le mouvement citoyen 5 étoiles qui y est parvenu. Sauf que Virginia Raggi vient de découvrir le dossier du déficit public de la ville et là... Stronzo! Figlio di puttana! Fai schifo! Vai malore! La pollution aux particules fines est la troisième cause de décès en France. Habiter Paris diminue l'espérance de vie, mais la pollution aux particules touche aussi les zones rurales. Moi, je me sens con. À 24 ans, quand j'ai pu passer 12 heures par jour le cul dans mon taxi, à respirer des particules fines, faut que je respire. J'ai envie d'être une vache. C'est la fête de la musique. Enfin, la fête sécuritaire et si possible non statique de la musique. Bah, tu veux pas leur chanter quelque chose là? A cappella? Non, ici. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui confond le son du trombone à coulisses avec celui de son pot d'échappement. C'est vous dire, si on part de loin, c'est Alex Vizorek. Je vous remercie, hein, fête de la musique, vous êtes gentil avec tout le monde. Et aujourd'hui, moi, je vous ai amené une belle équipe. 17h20, comme c'est la fête de la musique, elle n'avait rien à faire là. Et pourtant, on l'a fait venir. Bonjour Mélanie Bauer. Ah, c'est sympa. J'attends plus ce matin pour le dire, ça. Alors notre invité aime la folk et le hip-hop. Donc aujourd'hui, ce sera de la folk et du hip-hop, enfin du hip-hop qui reprend de la folk, ça vous intéresse peut-être pas. Oui, j'ai rien pigé. Ah, si. 17h30, celui qui fait tous les jours la musique en jouant du pipeau face à ses interviews. Et c'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de gestation pour autrui aujourd'hui, GPA. J'ai rencontré les opposants et c'est eux qui m'ont parlé de l'avenir des cliniques françaises. C'est des fermes quoi, c'est des fermes, c'est pas des vaches, c'est des femmes. Voilà, hein, dis-moi tes fantasmes, je te dirai qui tu es. Et 17h40, elle aime beaucoup la fête de la musique, car pour une fois, elle a une vraie bonne excuse pour aller dans un bar. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Et bien moi je vais vous parler des cow-boys et des indiens et des indiens et des cow-boys. Très bien. Allez, le référent de la République qui nous accompagne aujourd'hui est né sous De Gaulle. Ah. Vous jouez au cinéma dans Mouton Noir où vous incarnez la fille de Jacques Dutronc en 79. C'est l'année où McDonald's s'implante en France. Vous enregistrez votre premier album en 89 quand Zidane arrive en première division et vous devenez Hélène dans le fameux feuilleton de TF1 à partir de 92. L'année du traité de Maastricht. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, on n'en croit pas nos yeux. Vous êtes. Ah, qui êtes-vous? Mais quel suspense! Hélène? Mais oui! Oh là là! Basketteur, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et on sait que c'est la vraie. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a jamais eu autant de monde en régie. Il y a toute une brochette toute de trentenaires. Toute une génération. Ah là là, regardez ça. On a presque envie de les inviter en studio. Mais venez à l'intérieur. Mais si, venez faire une hola, tout ça. Hélène, merci d'être avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. On avait déjà lancé une invitation l'année dernière parce qu'on était allé du côté de chez vous avec France Inter qui faisait son tour de France dans la Sarthe. Nous étions allés, bien sûr. Mais vous tourniez, bien sûr, Les Mystères de l'amour qu'on peut voir sur TMC, toujours. Mm-hmm. Et puis, vous sortez un nouvel album, si je ne me trompe pas, c'est le 9e album. Oui, c'est vrai. Et ouais, c'est sorti depuis le 3 juin avant une tournée à la fin de l'année dans toute la France. Alex Vizorek, vous qui êtes le spécialiste de la France. Évidemment, et le titre facile, Hélène, donc ça, vous avez éponyme, on n'aura pas de difficulté à le trouver dans les bacs. J'ai la lourde responsabilité de choisir un extrait pour qu'on écoute, et ben j'en ai choisi deux. C'est bien simple. Alors, on lance le premier et je vous dirai pourquoi j'ai choisi celui-là. Suivons ma route, j'aimerais croiser ton chemin. Pouvoir me dire sans doute que c'était là le destin. Pour donner à la vie un peu plus de saveur. Dis tout d'âme, je cherche ton cœur. Alors j'ai choisi celle-là pour vous donner des droits d'auteur. Merci beaucoup. Mais oui, parce que parole et musique de vous. J'imagine qu'elle vous tient plus à cœur que les autres. Bah, bien entendu. Et puis, c'est la première fois que c'est vous qui écrivez? Non, vous aviez déjà écrit des textes et des musiques. Non, j'écris depuis longtemps, longtemps. Mais vous déléguez le reste. Ah bah, vous avez toute une équipe qui écrit les textes et les musiques. 142 enfin. Non, c'est... Bah, c'est Jean-François Porry. Non, bah oui, voilà. C'est Jean-Luc... Jean-François Porry. Voilà. Depuis tout le temps. Qui sont alors? C'est des gens qui ont beaucoup compté pour vous, peut-être pour raconter aux auditeurs qui est-ce? Ben, Jean-François Porry, c'est ni plus ni moins mon producteur, Jean-Luc. Ouais. Voilà. Et Gérard Salès, son pote de toujours, qui écrit la musique. Alors, je trouve que musicalement, comme vous, physiquement, ben, on a l'impression de jamais vous avoir perdu. Vous avez la même voix, vous avez le même genre de chanson, vous avez le même genre de visage, vous ne vieillissez pas. Et est-ce que c'est vraiment... Ah là là, non, là, il essaie de pécho, ça se voit. Rendez-vous à la cafette. Non, quand même. Il y a un peu ça quand même, vous entretenez cette Hélène qu'on a, avec qui on a grandi. Je tiens rien, je suis comme ça, c'est tout. Je n'essaie pas de changer non plus. Enfin, est-ce qu'on change vraiment? Non. Je suis comme ça depuis tout le temps. Voilà. Non, mais genre, on ne vous dit pas « fais du Hélène ». C'est votre façon de alors, faire... En ce qui concerne mes titres, oui, voilà, c'est ce que je sais faire depuis pas mal de temps. Après, les chansons de Jean-Luc, lui, très prolifique, contrairement à moi. Donc, il a des millions de chansons et on choisit, on choisit ensemble. Mais c'est toujours plus ou moins le même style, oui, forcément. On ne va pas se mettre à faire du rap ou du... Parce ah, que... et pourquoi pas, bah oui, pourquoi pas. Parce vous que qui aimez les le gens, hip-hop. Oui, mais parce que les gens ne m'attendent pas là et... Oui. Vous avez eu une période France, un peu plus folk des... quand même. Ouais, il y a peut-être. Longtemps, non, il y a pas... Vous n'avez pas une période un peu plus folk? Ben moi, j'écris et je compose toujours avec ma guitare, donc. Que vous emmenez partout votre guitare? Comment ça se passe? Est-ce que non, absolument vous voyagez, non pas. Non, c'est non. Ça fait bien longtemps que j'ai pas touché ma guitare, mais. Vous pouvez pas dire ça. On prépare la tournée. Attention. Je vais m'y remettre. On coupera au montage à 17h17 en direct. Je vais m'y remettre. Vous avez aussi tourné. J'ai lu que vous aviez tourné dans le monde entier, même en Chine. Oui, en Russie. Comment est-ce qu'on se retrouve en Chine et en Russie? Bah, la Chine, c'est assez étonnant. On n'a rien fait pour se retrouver là-bas. Et en fait, on a. Mais non, c'est vrai. On n'a pas fait de promo. On n'a pas sorti ni la série ni les albums. Et on a supposé que c'était des étudiants chinois à l'époque qui étaient en France, qui sont repartis avec la chanson. Et ça a fait un truc de dingue, puisque c'est la chanson française la plus connue là-bas. Donc votre dernier album, il fonctionne aussi comme, pour ceux qui vous suivent depuis longtemps, comme, je dirais pas comme une Madeleine de Proust, mais plutôt comme quelque chose qui entretient... Moi j'ai envie de poser la question, quel est votre public aujourd'hui? Est-ce que c'était c'est... ça que je voulais dire. Exactement ça. Ben, y a les anciens, j'ai envie de dire, et puis des nouveaux. Enfin, ça a toujours été tous les âges. Au moment d'Hélène et le garçon, c'était déjà ça. Maintenant, les mystères, c'est pareil. Il y a des petits encore là qui viennent me chanter maintenant effacer le passé. Effacer le passé, le dernier m'a chanté. Ah oui, c'est vrai. C'est trop mignon. Et puis voilà, j'ai des dessins, mais j'ai aussi des amoureux. Oui, je sais bien ça. Vous répondez jamais. Hélène est avec nous. Son nouvel album, Hélène, est disponible depuis le 3 juin. Puis vous serez en tournée à la fin de l'année dans toute la France. Et peut-être même dans une grande salle parisienne. Et peut-être même. Trois petits points. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h. On va commenter l'actu. On va parler de la campagne aussi, où vous résidez. Oui. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are them will come. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living our life, living for the future paradise. Time Paradise, Stevie Wonder. Repris par Coolio plus tard. Hein. Gangsta Paradise. Ouais. Si je peux donner une petite info musicale. Avec sa musique. Notre producteur musical, Djoubaka, est en train de faire la... Un AVC, c'est un moment exceptionnel, chers auditeurs. Notez-le. Aujourd'hui, 21 juin à 17h21, c'est la fête de la musique. Et Alex Vizorek a reconnu une chanson. Alors qu'il a écouté toute la matinée le dernier album d'Hélène, mais bien sûr. On n'a pas pu passer pour l'amour d'un garçon, qui est quand même ma chanson de quand j'étais petit. Elle l'a remise sur le nouveau disque. Eh oui, il est sur l'album de Hélène qui est avec nous. Et qui est avec nous jusqu'à 18h. Et autour de la table, Alex. Bien, Mélanie Bauer, Juliette Arnault, Guillaume Meurice et l'information qui est toujours autour de la table. Oui, l'information, Hélène, attention, on va une bonne couche d'information avant de démarrer le débat. Hein. C'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Un sondage révèle qu'un Français sur cinq se dit prêt à pratiquer la torture dans certains cas exceptionnels. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est donc une belle occasion pour commencer. Télévision. Le groupe Canal+, parachute Jean-Marc Morandini sur iTélé. Il y animerait une émission d'information. C'est bien les sketchs qu'il écrit Bolloré pour les Guignols. C'est drôle. Non, là, c'est une info, Alex. Ah, c'est une info. Et oui. Et des brèves. Ah bah, il va falloir que je m'en remette des brèves. Et on commence donc par la fête de la musique. Certains concerts ont été annulés pour des raisons de sécurité. Oui, on dit souvent qu'il ne faut pas annuler des événements parce que ça signifie que Daesh a gagné. Bon là, dans ce cas-ci, tout le monde a gagné. Quoi. Donc, Attention, malgré oui. tout, rappelons que le risque zéro n'existe en pas. En effet, hein. un Zaz pourrait bien frapper chez vous. Passons à la politique. Oui. On a appris aujourd'hui le décès d'Edgar Pisani, résistant et ancien ministre de De Gaulle. C'est donc le dernier gaulliste qui disparaît. Ah non, il reste Sarkozy, Dupont-Aignan, Juppé, Fillon, Terrorisme. Une alerte à la bombe a eu lieu ce matin à Bruxelles dans un centre commercial. Oui, un déséquilibré portait une fausse ceinture d'explosifs. C'est kamikaze belge. Hein, c'est certain qu'il ne risquait pas grand chose. La ceinture en question contenait en réalité du sel et des biscuits. Oui, le prince de Lu et le petit écolier sont donc les principaux suspects. Passons à la loi travail. Oui, est-ce que vous vous souvenez de l'intermittente qui avait interrompu Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna et il l'avait laissé parler et quelques mois après il l'avait viré. Oui, c'est une copine à moi. Jean-Pétissier. On va l'entendre. on va l'entendre parce qu'elle a refait un petit coup sur Beansport. Oui. On la salue, elle est formidable. Elle est super. Elle s'est fait passer. Et voilà. Écoutez, nous on aime bien quand on connaît les stars. Vous aimez bien connaître les intermittentes qui arrêtent les émissions. Chacun son truc. C'est une star. Oui, mais non, elle est formidable. Elle s'est fait passer pour une supportrice. Le journaliste de Bean l'interview. Elle répond très sérieusement et puis. Payette a failli marquer. Mais j'aurais aussi un petit message à faire passer parce qu'il se passe des choses en ce moment dans ce pays. Attendez, madame, ça sera pas pour nous. Alors, ça, on va passer. Alors, mademoiselle, nous, on n'est pas là pour faire votre publicité. Génome, on va parler de football. Et voilà, Bean a une vraie fibre de gauche, puisque quand on parle de loi travail, il lance les applaudissements. International à présent, David Beckham prend position contre le Brexit. Mm-hmm. Et dans la foulée, le camp adverse lui ressort une interview de Victoria Beckham, il y a 20 ans, qui était contre l'Europe. Voilà, rappelons qu'il y a 20 ans, la femme de Nicolas Sarkozy était de gauche. Social, selon une étude de l'INSEE, un étudiant fils d'ouvrier reçoit une aide de 160 euros par mois de ses parents, un fils de cadre, 400 euros. Voilà, bah c'est la preuve, excuse-moi, l'ouvrier est beaucoup plus radin que le cadre. Voilà, télévision. Jean-Marc Morandini va arriver sur iTélé à la rentrée avec une émission d'information. Oui, ses futurs collègues sont ravis. On a la première réaction d'Audrey Pulvar au moment où elle a pris l'info. Voilà, ça n'a pas manqué. En début d'après-midi, on apprenait qu'Audrey Pulvar décrochait l'émission culturelle sur D8. Elle s'en va. Allez, deux brèves pour terminer. Oui, allez-y. Pour lutter contre la malbouffe, le Chili décide d'interdire le jouet dans le Kinder Surprise. Ils sont complètement cons, les enfants chiliens, bouffer le jouet. Apparemment, c'était pas une bonne idée. Deuxième brève, alors. Oui, dans une entreprise en Chine, des employés non performants ont été punis en recevant des fessées. Ah. Et Dodo la Saumure porte plainte contre le DRH pour plagiat. Vous êtes sur France Inter, vous avez bien fait. C'est une bonne adresse. Vous êtes en plus. Informé, et en plus, il y a Hélène avec nous qui sera en tournée à la fin de l'année dans toute la France. Et d'abord, on va aborder avec vous l'actualité, le premier sujet, parce qu'on change le monde ici, Hélène. Attention, donc on va changer le monde avec vous là tout de suite. Là, il serait temps. C'est déjà un bon point de départ. Le mouvement 5 étoiles sort vainqueur des municipales en Italie. Le mouvement lancé par l'humoriste Beppe Grillo avait démarré avec des manifestations massives. Baptisé Vavanculo Day, c'est-à-dire le jour du foot. Ça, voilà. Bon, hein. Et aujourd'hui, ça y est, le mouvement porte une jeune femme à la tête de la ville éternelle. Vous devez crier non aux marchands de canons. Vous devez répondre aux mensonges des noirs suppôts de la réaction par un cri unanime, jailli de votre cœur innombrable de femmes et de mères. À bas la guerre, vive la paix. Bravo. Je m'inscris, moi. Il est certain qu'elle a de bons arguments. Ça, qui sait ? Et la camarade qu'envoie notre fédération, elle est arrivée hier. Elle va peut-être rester. Peut-être. J'espère qu'on la reverra. Moi, quand je viens te parler de choses sérieuses, tu me cries pas bravo. Tu me dis va faire ta vaisselle. Celle-là parce qu'elle vient de la ville et parce qu'elle est jeune. C'est pas celle-là qu'on applaudit, c'est l'idée. Un extrait de La Grande Bagarre de Don Camillo. Ah, c'est une référence de notre réalisateur Benjamin Riquet. Toujours plein de références. Alors voilà que Rome, ville qui a plusieurs milliers d'années finalement, exactement, plurimillénaire, il a fallu attendre autant de temps pour qu'un mouvement citoyen finisse par hisser une femme à sa tête, comme à Paris maintenant. Il y a eu la Louve. Qui est ou à Madrid. C'est vrai. Hélène, vous, est-ce que vous avez un peu la tentation du mouvement citoyen ? Est-ce que ça vous séduirait qu'il y ait un mouvement citoyen qui prenne véritablement forme en France et qui démarre? Bien sûr. Moi, il y a quelque temps, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Les rois d'aujourd'hui ». Et dedans, je dis « juste entre nous, on pourrait le faire ». Oui. Donc, voilà. Donc ça vous séduirait? Donc moi, évidemment, je suis pour, parce que ça marche pas. Et vous avez un look un peu babacool quand vous êtes là. On vous imagine bien aller prendre la guitare et vous installer à Nuit Debout, faire ce genre de choses. Oui, je l'ai pas fait, mais je suis tout cœur avec eux, oui, c'est sûr. Mais parce qu'on vous demande jamais trop votre avis, votre positionnement et non, mais c'est pas mon non, on est d'accord. Mon boulot non plus. Non, mais on est d'accord, mais c'est vrai que c'est. Mais il y a une citoyenne derrière. Il oui, y a ça. Une citoyenne derrière Hélène. Vous votez, j'imagine, vous votez quand même. Pas toujours. C'est vrai. Par rejet du politique ou. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. À qui faire confiance maintenant? Ah oui. Et juste à nous. Ouais. Effectivement. Et alors c'est justement ce qui est intéressant avec le fait qu'il y ait une femme qui soit arrivée à la tête de la. En plus, mairie c'est une femme. Et voilà, c'est ça, exactement. Ah. J'allais vous poser la question aussi. Bah oui. J'imagine que là, voilà, c'est plutôt un vrai changement de changement, quoi. Oui, voilà, surtout ouais. Dans cette ville de Rome qui n'avait jamais eu d'homme comme maire. Éric Zemmour, c'est taillé des veines. Hein. je vous le dis, c'est la faux. Alors, c'est un mouvement populiste assumé, c'est-à-dire que populiste parce qu'il y a la démocratie participative, le peuple peut choisir les grandes orientations, notamment via le web, populiste donc qui considère que le peuple a raison. Mais ici, apparemment, l'inexpérience de la nouvelle maire de Rome, pour les électeurs, disent, c'est une garantie de l'honnêteté. Mais oui, c'est vrai, apprendre la politique sur le tas, donc pourquoi pas, vous voyez pas ça d'un mauvais œil? Ah non, moi je vois ça, puis en plus ça va s'entourer, enfin comme ils font tous, hein, les politiques, ils ont pas forcément l'expérience non plus quand ils arrivent. Donc pourquoi ils s'entourent, ouais. Quoi, c'est une équipe, donc là, voilà. Et alors à quand Hélène candidate? Parce que vous dites pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Ben pourquoi pas, oui. Mais bon, pas demain. Hein. On espérait un scoop là, mais bon. Raté. Mais candidate, oui. Vas-y. Votre position en tant que féministe ou pas, mais parce que Hélène non, et les garçons. Non, mais humaniste plus. Oui. Humaniste. Non, parce que Hélène et les garçons, il y avait quand même un truc où c'était quand même. C'était vous la chef de bande. Ah, il y avait la parité, ça c'est sûr. Oui, parce que ça s'est appelé Hélène et les garçons, mais ça aurait pu s'appeler Campus aussi. Au départ, il m'a donné le choix. Moi, j'avais choisi Campus. Il m'a dit, bon, ça s'appellera Hélène et les garçons. Sinon, donc, votre neuvième album s'appelait Campus aussi. Allez, en tout cas, vous êtes engagée en musique, vous avez des goûts assez sûrs musicaux, Hélène, et Mélanie Bauer, elle les connaît. Ah bon? Oui, oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, alors donc, qui dit fête dit cadeau. Alors, je me suis renseignée sur vos goûts musicaux et j'ai appris, par une petite souris, vous aimez tout autant la folk musique que le hip-hop américain. Pour vous, donc, nous allons explorer des sons au croisement des deux, du folk-pop ou du hip-folk, comme vous préférez. J'aime un peu toutes les musiques, en vérité. Bon, ben, me cassez pas ma chronique. Mais particulièrement. Attendez, j'ai passé 15 coups de fil pour savoir ce que vous écoutiez comme musique. Alors, vous le savez, le hip-hop utilise des samples. Hein, pour mes collègues de Annule Tout, des samples, c'est des petits bouts de trucs, on en a déjà parlé. Moi, j'avais retenu, Mélanie. On avait vu ça au premier trimestre, madame. Parmi ces petits bouts de trucs, des classiques de la folk, commençons par l'Amérique. Une grande chanteuse de folk américain, Mélanie, c'est à cause d'elle que je m'appelle Mélanie. En 1968, elle chante avec sa guitare en bois, In the Hour. In the hour when the sun shines bright on my head, in the city where I. Juliette Arnaud va pleurer. Ouais. C'est sûr. Ça vous touche, Juliette? C'est bouleversant, la voix de Mélanie. La voix de Mélanie, c'est bouleversant. Et en 2004, le rappeur mégalomane Kanye West la sample sur Living in a Movie. Yo, this sound like some movie shit, right? Get your popcorn, get your condiments. Vous reconnaissez le petit bout de truc? Ouais, il a été puni pour ça. Ah, Juliette va pleurer aussi, pour d'autres raisons. C'est énorme! Mais c'est un grand service qu'il rend à Mélanie, qui permet aux jeunes auditeurs d'aller sans doute chercher ce que ça vous plaît? Oui, très bien. On continue. C'est validé pour l'instant. On continue. Bob Dylan. Bah oui, Bob Dylan, 1969. Et là, Guillaume Norris va faire c'est qui? Bob Dylan, ça va, il est de gauche, quand même. Lady Lay. Une sorte de classique, hein. Et voici donc ce morceau, revisité par le producteur américain Jay Period avec le rappeur somalien Kenan, Relationships, Lay, nous sommes en 2009. I'm no expert, but... As you know, relationships are puzzling like jigsaw, especially when kids are inside it, it becomes three-sided like pizza. Got a big up aux techniciens. Qui a enchaîné comme un chef réalisateur. Un petit dernier? Ouais, allez, oui, oui. Françoise Hardy. Ah oui, ah, non, pardon alors. Françoise Hardy. Moi, je voudrais bien, Françoise madame. Françoise Hardy, qui aurait pu être musicalement une cousine à vous, si vous aviez commencé à l'époque des yéyés. Mm-hmm. On peut le dire. C'est vrai. On peut le dire. Françoise Hardy, qui chante en anglais en 1972, The Garden of Jane Delaunay. Et maintenant, je vous laisse avec la version hip-hop revisitée par les Français de Guts, You're Living Like Pigs. To begin with, I'm going to tell you what the land of freedom is all about. No, you're not dreaming, because that land exists. Ladies and gentlemen, you've been living like pigs. Open your eyes, open. Living like pigs. C'est pas vrai. C'est Guts. C'est Guts. Et donc c'est un mélange, Mélanie Bowers. Ben, c'est un sample de Françoise Hardy de voix, avec un beat hip-hop et puis c'est la musique instrumentale. Voilà. Sinon, je vous conseille le Loser de Beck. Je vous fais un petit peu de name dropping vite fait ou le 1000 Clowns. C'est la fête de la musique, je me lâche un peu. Mais oui. Hélène, ça vous connaissez par contre ce que vient de dire Mélanie. Beck. Non. Cause I'm a loser, baby. So why, un jour, oui, si un jour on m'avait dit que je chanterais pour Hélène. Hélène, qui a-t-il dans votre panthéon musical? C'est-à-dire les gros classiques vers lesquels vous vous tournez et qui peut-être vous inspire des mélodies ou des choses comme ça? Non, ça ne m'inspire pas forcément, mais non, moi j'aime bien les rappeurs américains, donc j'aime bien... Mais assez récent, vous restez sur l'actu du rap américain Ouais, assez récemment, je sais pas trop. J'écoute un peu de tout, en fait. Est-ce que vous pourriez faire un featuring avec Booba? Je connais pas. Il n'est pas américain. Je sais. Je connais pas trop ce qu'il fait. Je connais pas trop. Vous pourriez être kidnappé par la scène hip-hop. Ça serait extraordinaire. Bah, Pourquoi pas. Hélène est avec nous. En tout cas, avant de se faire kidnapper, il faut qu'elle fasse sa tournée à la fin de l'année avec son album Hélène. Et puis, un autre qui nous kidnappe tous les jours, qui nous prend en otage. Bien entendu, faux, madame. C'est Guillaume Meurice. Moi, je vais vous parler des enfants aujourd'hui. Vous voyez ce que c'est, les enfants? Oui. Une petite créature bizarre, au visage fripé, qui bave, qui porte des couches, qui passe la moitié de sa vie à manger et l'autre à dormir. Bon, vous voyez un sénateur? Oui. Voilà, bah, c'est pareil. Un enfant, c'est la même chose. Sauf qu'on n'est pas obligé de le payer 11 000 euros par mois. Un enfant, c'est aussi la plus grave des maladies sexuellement transmissibles, évidemment. Et c'est également le rêve de bon nombre de couples qui ne peuvent pas en avoir et qui sont parfois tentés par la GPA. Vous connaissez ça? Oui. Voilà, gestation pour autrui, voilà. Une pratique alors qui rencontre une vive opposition, notamment chez ceux qui restent des anti-mariages pour tous. Ils vous avaient pas manqué, ceux-là. Ils sont encore là. Ils manifestaient ce matin devant les Invalides. Et c'était compliqué parce qu'ils sont assez méfiants vis-à-vis des médias. Non. Alors que moi, personnellement, je les aime beaucoup, je dois vous avouer. Mais il y en a un qui m'a parlé pour me dire pourquoi il voulait pas me parler. Pour moi, c'est l'Union soviétique. Le Monde, c'est devenu la Pravda. Je peux plus lire Le Monde. Qu'est-ce que vous lisez alors? Moi, ce que je lis, L'Équipe. Il n'y a plus que ça. Et encore, L'Équipe, ils font de la politique. Ils sont de gauche? L'Équipe? Je suis persuadé que tous les journalistes sont de gauche. Alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a rien qu'à voir comment ils insistent sur les centres parfaits venus de la gauche, comme par hasard. Ils parlent de charnière française maladroite, comme par hasard aussi. Tout est pernicieux. Mais bon, c'est pas le sujet. Parlons GPA. Elle est déjà interdite en France, la GPA, n'est-ce pas, monsieur? Oui, non, mais vous savez, c'est comme pour tout. Si on trouve une sortie altruiste pour les choses, on peut trouver un moyen de les justifier. Hein? Mais là, c'est interdit. Non, mais attendez. Là, l'idée, c'est de renforcer pour que ça soit réellement interdit et que ça continue à l'être. Ah, mais là, c'est réellement interdit. Moi, je suis venu parce qu'on m'en a parlé. D'accord, mais c'est pas mal de se renseigner, je veux dire, avant, quand même, du coup. Alors, c'est interdit en France, mais bon, certains profitent qu'elle soit autorisée ou tolérée dans quelques pays pour la pratiquer à l'étranger. Et ça pose des problèmes, notamment à cet autre monsieur qui ne veut pas quoi. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on loue le corps des femmes. C'est-à-dire que vous êtes contre aussi la prostitution? La prostitution? Pourquoi je serais contre la prostitution? Parce que c'est louer le corps des femmes aussi. Mais oui, mais elles font ce qu'elles veulent. Ah oui, alors d'accord. Ok, la prostitution, ça marche, mais pas la GPA. Donc pour les femmes, liberté totale de faire ce que ce monsieur autorise. C'est un petit peu subtil, mais ce monsieur, il manque pas de subtilité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pense de l'homoparentalité? Quand même extraordinaire d'avoir deux pères. C'est quand même, il fallait que j'arrive jusqu'à cette époque pour connaître ça, quand même. Bon, ça vous choque, ça? Oh, écoutez, ça me choque d'abord. Je suis quand même un écrivain. J'ai quand même lu Huxley. Et je ne veux pas de cette société. Bon. Et moi, je ne suis pas homophobe. J'ai des amis homosexuels. C'est l'argument éliminatoire. C'est pas le point Godwin, c'est le point j'ai un ami qui. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Juif, noir, homosexuel, unijambiste, fan d'Hélène et les garçons. Ça permet de justifier tout et n'importe quoi. Donc ce monsieur est éliminé, mais pas de panique. Est-ce qu'il n'a pas dit homophone? Oui. Non, il a dit homophobe. Je me suis dit que pour un écrivain, c'était bon. Ça aurait pu, faudra réécouter en replay. Oui. Mais bon, il y en avait d'autres ce matin. Un autre à qui j'ai demandé pourquoi ça posait problème, le fait d'être adopté par deux papas. Pourquoi? Je vous le dis. Puisque les gens qui ont adopté, un homme et une femme, ont adopté des enfants, les enfants ont des problèmes psychologiques. Ah ils en auront aussi avec des couples homosexuels, c'est ça que vous voulez dire? Encore plus. Ah, pourquoi plus? Parce qu'ils sont homosexuels et l'enfant sera malheureux. Pas les homosexuels, l'enfant. Parce qu'il n'aura pas été élevé par un homme et une femme, encore une fois, je vous le dis. Mais c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y aura plus de problèmes psychologiques si c'est par deux hommes ou par deux femmes. C'est ça que je comprends pas. Vous n'êtes pas un enfant. Vous le savez pas. Mais vous êtes un enfant? J'ai été enfant. Ah oui, c'est vrai que moi je suis né à 23 ans. Forcément, je pourrais pas avoir le coup. Moi, j'imagine que ça doit être difficile d'être un enfant adopté par un couple homosexuel. C'est vrai, non pas à cause de leurs parents, mais justement à cause de ce genre de discours. Mais j'avais quand même une autre question. Est-ce qu'un enfant qui est dans un orphelinat, il est plus heureux qu'un enfant qui est avec... Je parle pas d'un enfant qui est dans un orphelinat. Il n'y a qu'à le confier à un père et une mère, si on le trouve. Mais c'est pas ma question. Est-ce qu'il est plus heureux dans un orphelinat ou avec deux papas ou deux mamans? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est pas facile. C'est pas facile comme question. Est-ce que c'est plus facile de vivre dans un dortoir de 400 gamins en banlieue de New Delhi ou d'écouter du Mylène Farmer dans un 80 mètres carrés dans le Marais? C'est difficile. J'avoue, c'est difficile comme question. Mais la chose la plus grave dans cette histoire, c'est quoi pour ce même monsieur? Ça va accélérer le féminisme, c'est-à-dire l'écartement des hommes. Là, vous craignez le féminisme actuel? Absolument. Et pourquoi ? Entre autres choses. Parce qu'il y a des enfants qui n'auront pas de père, parce qu'ils seront élevés par des femmes. Et en plus, les femmes vont s'écarter des hommes. Et d'ici 20 ou 30 ans, les hommes seront écartés totalement d'avoir une femme. Ils ne voudront pas, ils voudront leur liberté. Donc on ne se mariera plus, etc., etc. Je crains tout ça pour l'avenir. Vous êtes démasquée, femme. Avec Alex, on se demandait pourquoi on se prenait autant de râteaux. Vous avez déjà commencé le processus. Merci, monsieur, de nous éclairer là-dessus. Pour le reste, et surtout pour l'évolution des mentalités, bon, ça me semble loin d'être un jeu d'enfant. Merci Guillaume Meurice. Et oui, et on les trouve encore dans les rues. Donc. Oui, et ils votent. Ah, donc voilà. Oui, bah oui. Ils veulent s'écarter de nous. Enfin, nous, on veut s'écarter. Oui, bah, très bien. Bah, qui s'écarte surtout. N'est-ce pas, Hélène? Le plus loin possible. Bah, moi, pour avoir adopté en mère célibataire, voilà. Ah, bah oui. Mes parents. Ah, mais mes enfants n'ont pas de père non plus. Et ils vont très bien. Ah, bah voilà. Et on les embrasse d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Hélène est avec nous jusqu'à 18h. On va aborder le deuxième sujet, les particules fines sont assez fines que pour passer toutes les barrières physiques et se retrouver dans le sang, trembler. Résultat, c'est un sujet festif qu'on a choisi, vous allez voir. Résultat, vous allez mourir, certainement. 48 000 personnes par an passent dans l'au-delà. C'est la troisième cause de décès après l'alcool. Donc pour avoir une telle nouvelle en ouvrant les journaux ce matin, on a justement envie de s'en jeter un petit derrière la cravate, moi je trouve, mais bon. Et en musique même, pourquoi pas. C'est un jour ordinaire. D'ordinaire, y'a du gasoil dans l'air. Et tout part en fumée, c'est un jour ordinaire. D'ordinaire, dans le gasoil, y'a de l'air. Du ciel dans la fumée. La chanson Bifluorée, voilà. Vous vivez en partie dans la Sarthe, Hélène. Est-ce que vous sentez physiquement la différence, soit quand vous rentrez dans la Sarthe, soit quand vous arrivez à Paris, vous étouffez, ou bien quand vous arrivez dans la Sarthe, vous sentez le... Physiquement, ça se traduit. Mais non seulement j'habite dans la Sarthe, mais au milieu de la forêt. Donc, il y a une grande différence avec Port de Bagnolet, par exemple. C'est sûr. Et vous vous sentez mieux dans la Sarthe? Bien sûr. Mais... pour la santé, oui, c'est mieux d'être dans la forêt, c'est clair. Mais après, à vivre, je me sens bien ici aussi. J'aime bien pouvoir faire les deux, en fait. Mm-hmm. Profiter des joies de Paris, du travail. Mais voilà. Ça veut dire que si on est à la campagne, on peut boire plus. D'ailleurs, ils le font. C'est moins de particules, ils le font. Oui. Alors, on va demander à Hélène, est-ce que vous en profitez pour... je bois autant à la campagne qu'à Paris. Mince, on aurait dû déboucher une bouteille aujourd'hui, ça nous aurait fait le double. Alors, les zones rurales ne sont pas épargnées. En fait, il y a 9 mois d'espérance de vie en moins à la campagne, contre 15 mois d'espérance de vie en moins dans les villes de plus de 100 000 habitants, dont Paris, évidemment. Est-ce que vous avez, vous, une fibre, j'imagine, quand on vit au milieu de la forêt, dans la Sarthe, on a une fibre écolo, une fibre environnementale vous avez développé, qui est inné chez vous, ou bien il y a eu un déclenchement à un moment? Non, c'est inné. Moi, je suis née dans les champs, donc voilà. Moi, je jure que par ça. D'ailleurs, j'ai volontairement choisi d'habiter dans la forêt pour mes enfants, pour pas qu'ils grandissent au ras des pots d'échappement dans les poussettes, enfin tout ça. Ça vous a aidé pendant les années où le public était à vous hurler dessus? Moi, j'y étais quand j'étais gamin, les concerts. Ça doit de temps en temps être sympa de se retirer de cette effervescence. Oui, mais les deux sont sympas aussi. Parce que d'être que dans la forêt. Non, mais je veux dire l'agitation de la ville, c'est bien aussi de temps en temps que d'être toujours dans la forêt. Donc, je me suis aperçue il n'y a pas longtemps d'ailleurs que j'aimais bien les deux. Et puis les enfants, ça fabrique pas des particules fines, hein, Alex. C'est-à-dire même quand ils hurlent, tout ça. Ah non, mais je parlais pas de pollution, je parlais justement de forêt. Et là, je vous imagine en train de faire vos courses à cheval. Je sais pas pourquoi. Vous avez des chevaux aussi, non? Non, j'en ai plus. J'en ai eu. Oui. D'accord. Alors, Juliette Arnaud, puisque vous avez le crachoir. Oui, et bien oui. Écoutez, gardez-le surtout. Mais oui, parce que je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle À vol d'oiseau et qui est écrit par Craig Johnson, mais je ne savais pas comment définir le genre de ce que c'est. Alors, j'ai repensé à une chanson parce que c'est la fête de la musique. Et c'est une chanson qui fait Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it a twister? Yeah. Personne ne la connaît? Si, très bien. Et ben, ça... Ah, quand même! Merci, Mélanie. Donc moi je m'étais dit, est-ce que c'est un western? Non! Est-ce que c'est un polar? Non! Est-ce que c'est un roman psychologique? Oui, et non plus! Alors après j'ai changé, je me suis dit, À vol d'oiseau, c'est le mariage de ça. Donc ça c'est... Un western. C'est un western, et c'est plus précisément Les Sept Mercenaires, donc un mélange de Des Sept Mercenaires et de... Titanic. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Hélène et les garçons. Le réalisateur va vous buter, Alex. Non, c'est le dernier des Mohicans de Michael Mann. Bon, sauf que là, dans À vol d'oiseau, c'est des chiales, mais on va pas chipoter. C'est pas Céline Dion qu'on vient d'entendre. Non, c'est pas Céline Dion. Alors en quoi À vol d'oiseau, celle et cette mercenaire? Parce que le héros de À vol d'oiseau s'appelle Walt Longmire, il est shérif de son état, dans un bled dans le Wyoming, il est veuf, père d'une fille avocate, et il n'est pas Capitaine Flamme. Celui qui, je cite, d'aussi loin que l'infini, descend jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Vaste programme d'ailleurs, trop vaste, d'aucuns diraient. Non, le shérif, lui, quand par exemple il interroge une femme amiche qui lui dit « j'ai vu le monde et je vous le laisse », et qui insiste en disant « vous trouvez pas que le monde part à volo ?» Le shérif, qu'est-ce qu'il répond, lui ? Il répond « comme je vous l'ai dit, j'essaie juste de ralentir un petit peu le mouvement. » Et ça, voyez-vous, c'est typique de l'esprit des sept mercenaires. On essaye de faire le bien, voire on essaye de faire régner la justice, mais sans grandes illusions, à hauteur d'homme. À présent, le côté le dernier des Mohicans. Oui, parce qu'à côté du bled du shérif, il y a une réserve indienne. Hein. Craig Johnson, l'auteur, nous rappelle ce que c'est d'ailleurs une réserve indienne. C'est une société autonome avec ses propres écoles, sa propre police, ses propres lois et ses propres phénomène d'exclusion à l'appel et des chiffres désespérants en termes d'alcoolisme, de suicide ou de chômage. Mais, dans la réserve, il y a le dernier des Mohicans. Il y a son meilleur ami, Henry Standing Bear, Henry Ours Debout, hein, en bon français, le véritable deuxième héros, subtil, ironique, vétéran du Vietnam comme le shérif, aussi à l'aise la nuit qu'un chat, aussi costaud qu'un ours debout, hein, donc comme son nom l'indique, tellement emblématique que le shérif le surnomme, au art de la synecdoque, la nation Cheyenne. Il est en lui, à lui tout seul, la nation Cheyenne. Alors c'est fini, les cow-boys et les indiens. Voici un nouvel opus des aventures de l'indien avec le cow-boy, le shérif et le Cheyenne. Chacune des aventures de Walt Longmire, le shérif, c'est une balade entre le nouveau monde et le vieux monde. Dans celui-ci, qui est le huitième opus de Craig Johnson, c'est encore un peu plus ça parce qu'on passe beaucoup de temps dans la réserve. En effet, c'est une jeune indienne qui a été assassinée, poussée du haut d'une falaise. Là où le vieux monde survit encore. On va croiser une femme médecine, une cérémonie au peyote. Quoi ? Ah ah ! La cérémonie au peyote. Alors en fait, le peyote, c'est une drogue hallucinogène. Adorer des. Qui sont naïfs. En fait, c'est Oh, les deux toxicos là, on va se calmer un peu. Hein excusez-nous. En fait, c'est une mixture très amère, fabriquée à partir du cactus. Ah, mais oui. Qu'on ingurgite et après, on fait ça au Chili, dans le désert d'Atacama. Les Amérindiens en général. Une sorte de taponade. Donc oui, là, dans Un vol d'oiseau, vous aurez une cérémonie au peyote. Ça fait flipper. Je préfère le rosé, une chasse à l'homme dans les grands espaces où un Indien s'en sort toujours mieux qu'un escadron du FBI. Ah bah oui, le nouveau monde, il est toujours là, hein. Content, pas content, content quand même, comme on dit chez moi, à Saint-Étienne. Alors oui, il y a le FBI, une chef de police indienne fraîchement revenue d'Irak, qui est pas mal traumatisée, et la fille du shérif qui se marie avec un flic de la ville d'origine italo-américaine. Bref, un genre de millefeuille typiquement américain. Pour finir, un petit message personnel à Benoît Groot qui vient de mourir. Oui. Cher Benoît, dans ce livre, écrit par un cow-boy, avec un chapeau et tout, les personnages féminins sont des femmes, flics, soldats, avocates, femmes médecines. Voilà, peut-être que les choses avancent. Un peu. Bisous de là où vous êtes, Juliette. Merci Juliette. Et merci pour Benoît Groult. À vol d'oiseau, Craig Johnson, édition Gallmeister. Merci. Et puis on peut réécouter bien sûr cette chronique comme celle de Mélanie sur franceinter.fr. Merci pour ce conseil lecture Juliette. On est en compagnie d'Hélène. Son nouvel album s'appelle Hélène. Et vous serez en tournée à la fin de l'année dans toute la France et peut-être même dans une grande salle parisienne. Et vous entretenez le suspense, vous savez comment on fait. Et on peut toujours vous voir aussi sur TMC, dans Les Mystères de l'Amour. Oui, il y a Barthès qui vous rejoint sur TMC l'année prochaine. Mais oui. vous nous faites votre Jean-Marc Morandini. Mais oui, mais j'ai pas média, mais qu'est-ce qui se passe ? Sonia de Villers va être très contente de savoir que je l'écoute avec attention le matin. Vous voulez faire un point Mercato ? Hélène, on va aborder avec vous le troisième sujet. C'est la fête de la musique, donc. Une invention française qui s'est exportée dans le monde. Mais ici, il est de bon ton de dire que c'est aussi la fête des oreilles qui saignent. Et, ouais. Et ça, c'est toujours le problème avec les amateurs. So I'm saving all my love. Je m'arrête là ? Mais non, oui, vous vous arrêtez là parce que... C'était pas bien ? C'était pas terrible. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il n'y avait pas grand-chose qui allait, hein. Sincèrement. C'était pas juste, la voix est pas géniale, on sait pas exactement qui vous êtes, donc... Bah, je suis transsexuelle, je vois pas où est le problème. Oui, oui, non, mais ça, c'est pas du tout le problème. C'est un extrait de La Nouvelle Star avec Morane dans le jury. On embrasse André Manoukian. Mais bien sûr. Qui va nous rejoindre demain, je pense, on est mercredi, c'est son jour. Alors, la fête de la musique, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous, Hélène, la fête de la musique, c'est un événement auquel vous aimez participer, où vous avez une oreille de loin, vous, la musique, c'est tout tous les jours. Oui, j'ai fait quelques fêtes de la musique, bien sûr. Ah, mais... dans quelles conditions, par exemple? Dans toutes les conditions. Avant, pendant, après. Bourré, voilà. Pas bourré. Voilà. Tout, non, c'est, je trouve que c'est une chouette idée. Et... Ouais. Qui date de 1982. Et je trouve ça bien, même que les gens qui ne savent pas chanter puissent chanter dans les rues et qu'ils se fassent plaisir. Moi, je trouve ça chouette. Bah oui, oui, oui, évidemment. Alors, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est parce que vous habitez dans la Sarthe, dans la forêt. Et vous êtes du genre, en fin de soirée, après le spectacle, avec votre guitare. Comme une gueule, vous voulez dire. Non, mais oui, par exemple, de vous dire, allez, joue une petite chanson, de prendre la guitare, de faire un truc un peu. Non, mais souvent dans les dîners, oui, on chante un peu tout. Et on vous réclame ces choses-là dans les... On vous dit, allez, Hélène, une petite chanson ou pas? Ouais. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bah alors faites-le, faites-le. Vous n'êtes pas avec votre guitare aussi, sinon. On alors, un truc. Moi non plus, les gens ils réclament pas. Ah, non, c'est vrai que vous réclamez. C'est vrai qu'on ne réclame pas tellement. Écartez-vous très très loin. Comme... Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, a dit ce matin. Attention, c'est parce que c'est profond. Ah oui. La fête de la musique rassemble les Français face au terrorisme. Alors c'est vrai que. Ah, c'était spontané. Alors là, vous avez pas des masses de subventions, je vous le dis comme c'est. C'est, on pense un petit peu la même chose. Hélène n'ira pas à la Villa Médicis. Voilà. Ni au Centre culturel Pablo Neruda. C'est foutu. C'est marrant parce qu'on vous sent dans la retenue sur les sujets politiques. Et là, il y a un truc qui est sorti direct. En fait, hors antenne, elle va tout balancer. C'est mon défaut, Hélène. C'est mon défaut. Je suis trop. Je réfléchis pas avant de parler. C'est pour ça que vous vous contenez là-dessus. Mais on va être solidaire avec vous. C'est ce qu'on a pensé quand on a lu aussi. Je n'ai pas le rapport, moi, enfin, bon. Non, non, mais voilà, c'est ça. On se dit enfin, chanter dans la rue, allez-y. Sauf que, oui, bien sûr. Sauf que, voilà, les gens vont quand même sortir et aller à la fête de la musique, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on disait oui, on sera en terrasse. Donc il y a peut-être encore un geste à faire, une espèce de résistance à aller, double résistance, là, parce que c'est la fête de la musique. En bah là, c'est-à-dire qu'il pleut, quoi. Donc en fait, on va résister, mais c'est chiant. En cas, ouais, quoi. Dans votre région, Hélène, ça s'organise aussi pas dans la forêt, peut-être, à proprement dit, non, sauf s'il y a un bar forêt, qui passe par là. Il n'y en a pas, non. Non. Oui, oui, sûrement. Bah, sûrement, oui, oui. Je sais pas, ça fait une semaine que je suis pas redescendue. Vous n'êtes pas allé voir. Bon, la fête de la musique, c'est partout. C'est partout en France. Ah, oui. Et tiens, on a une autre fête à vous proposer, oui, c'est-à-dire une fête de la comédie. En fin d'émission, on propose chaque fois un sketch à l'invité qui découvre le texte. Je vous le fais passer. Tout le monde découvre le texte. Parce que Éric Zemmour avait dit que Hélène et les garçons, c'était le début de la fin. Mmh. Et ça, on n'avait pas aimé. On s'en était moqué l'année dernière. Et on s'est dit, tant qu'on vous a sous la main, bah, on va se faire. À cause de nous, s'il y avait des homos, non? Parce qu'il y avait. Parce que les garçons avaient des longs cheveux. C'est le début de la décadence de la civilisation. Décadence de la civilisation. On s'est dit, on va lui faire un épisode spécial pour lui, Hélène et les garçons, version Zemmour, Guillaume et moi on fait les garçons, et ben vous... Devinez qui vous êtes. Quelqu'un aurait vu mon polo bleu ciel. Et moi mon pantalon beige. Et moi mon serre-tête. Attends, on peut quand même pas aller à la manif anti-GPA en tenue négligée. Tu m'étonnes, que va penser Cricri d'amour? Christian sera là. Andouille Cricri d'amour, c'est Christine Boutin. Alléluia! Les amis, vous êtes au courant pour Charles-Henri et Marie-Sophie? Ouais, quelle horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont couché? Presque. Ils se sont tenus la main. Oh, doux Seigneur! Je vous le jure sur la Bible. Et oh là là. Le pire, c'est que Marie-Sophie serait un homme. Non, là là là là. Bon, vite, faut prévenir Charles-Henri avant qu'il soit trop tard. Ah, ça m'aide pas à retrouver mon polo bleu ciel. Non, mais à quelle époque on vit? Il manquerait plus que les homosexuels aient le droit de se marier. Des homos quoi? Non, il veut dire des pédés. Ah, j'ai eu peur d'avoir entendu sexuel. Les copains, vous comptez faire quoi après la manif? On pourrait rejoindre les jeunes avec Philippe de Villiers. Oh oui, excellente idée. Allons-y avec ta guitare. Génial, ça me rappellera le JMJ. Les JMJ, Hélène, oui, tu veux parler des JMJ? Mais oui, et tu avais pécho? Sainte-Marie-Madeleine, ai-je bien entendu? Non, non, mais laisse tomber. Il se croit dans un vieil épisode d'Hélène et les garçons. Que Dieu le pardonne. Allez, direction le Puy du Fou. Ouais. Vous savez que j'ai composé une chanson pour Philou? Oh oui, une chanson, oui. On t'écoute. Philippe, je m'appelle Philippe. Je suis un chouette type, pas comme les autres. Oh, génial, c'est le tube, assuré. Ah ouais. Oh, si avec ça, nos idées passent pas. Vive le maréchal. C'est pas Hélène et les garçons, ouais. Revisités. Si Jean-Luc Azoulay a besoin d'un scénariste, on est dispo. Avec Frédéric Foimet, hein, qui a collaboré. C'est le cas de le dire. Le pire, c'est que dans des quartiers pas loin d'ici, ça doit exister. Vous pensez? J'ai l'impression. Bon, c'est lui le 16e, qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai, on y est, en plus, on y travaille. On y travaille. Merci Hélène d'avoir passé ce moment avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Donc je rappelle votre nouvel album qui s'appelle Hélène, qui est disponible depuis le 3 juin. Et puis vous allez être en tournée dans toute la France. Et peut-être dans une grande salle parisienne. Et vous allez conjuguer ça toujours avec les tournages des Mystères de l'amour pour TMC. Oui. C'est pour ça que vous êtes à Paris actuellement. Voilà. On en est où? Vous êtes avec qui sur TMC? Je ne peux pas spoiler. Oh là là. Pour l'instant, je suis avec personne. Ah, oh là. Ah, il y a un rapprochement avec Nicolas. Ne regardez pas comme ça. Ne s'écartez pas de Nicolas, donc. Non. Il ne s'écarte pas de moi. Mais ah bah oui. Il ne s'écarte pas non plus. C'est bien ce que vous avez repéré. Merci en tout cas, Hélène. Merci à Mélanie Bauer. Merci à Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Alex Vizorek, bien sûr. Et on va se retrouver demain avec Mathias Malzieu. Oui, voilà. Et le mot de la fin, on va le laisser à la fête de la musique. Tu veux pas leur chanter quelque chose là? A cappella? Non, ici.